Chapitre 3e. Visite chez le recteur. Le soleil de juin dorait les eaux de la sombre rivière, et l'herbe avait poussé au tédru dans les prairies de la ferme grise, quand Dudley revint d'un long séjour dans la capitale et reprit son existence tranquille et sans histoire de gentilhomme fermier. Il avait été absent de la maison une bonne partie de l'hiver et du printemps, ne revenant dans le comté de Lincoln que de temps à autre, pour n'y rester que quelques jours ou parfois une semaine et retourner à Londres. La sœur de l'intendant avait quitté la ferme pour prendre un emploi à York, emploi moins pénible, car son frère disait qu'elle s'était trop fatiguée dans cette grande habitation, et une vieille femme d'Aulnay avait été élevée aux fonctions de femme de charge de la ferme grise. Dudley, si c'était possible, était encore plus triste et plus taciturne à son retour et paraissait certainement encore plus l'esclave de son ombre inséparable. Côte à côte, le maître et le domestique marchaient lentement le long des bords de la rivière ou autour des vastes champs de blé ou bien, appuyés sur une barrière placée dans les prairies autour de la récolte des foins, ils calculaient ce que produirait la moisson. Côte à côte, ils flânaient à la brune, regardant les bestiaux paître au bord de l'eau et si par hasard quelqu'un eût pu écouter leur conversation, on eût presque toujours entendu Ralph dire à son maître quelle immense valeur aura la ferme s'il avait assez d'argent pour y faire des améliorations. Quelques jours après le retour de Dudley, Ralph fut une fois par extraordinaire absent de l'habitation. Son maître l'avait envoyé dans une ville éloignée de 10 000, où il avait un marché pour quelques affaires relatives à la ferme, et il était plus que probable qu'il ne serait pas de retour avant la tombée de la nuit. Il existait un chemin communal traversant des sentiers de verdure et des champs de blé, ainsi que des prés appartenant à la ferme. Ce chemin partait d'un village situé à peu de distance d'Aulnay. Dans un de ces verts sentiers, où quelques chevaux de trait étaient attachés, se promenait Dudley, tenant un livre à la main. Les horloges des églises des villages éloignés sonnaient alors 3 heures. Le maître de la ferme grise, ayant toujours la tête baissée en marchant, ne faisait point attention aux roses sauvages dans les haies, pas plus qu'aux boutons d'or dans les hautes herbes, mais il fut soudainement tiré de sa rêverie par l'aboiement d'un chien à quelques centaines de pas de lui. Cherchant des yeux la provenance de ce bruit, il aperçut sur une petite élévation, sous un buisson d'aubépine, tout près de lui, quelque chose de si brillant et coloré, d'un aspect si radieux, si léger et si aérien, qu'il eût pu se tromper et prendre cette chose pour une nouvelle et jolie sœur des riantes fleurs sauvages de la haie. Mais s'approchant un peu plus près de la fleur, il se trouva face à face avec une jeune fille, vêtue d'une robe de mousseline rose et coiffée d'un chapeau de paille rond. Elle avait presque l'air d'une enfant et était excessivement jolie. Ses cheveux étaient d'un blond très clair et ses joues roses étaient encadrées d'une quantité de boucles dorées qui tremblaient et brillaient à la brise d'été et au chaud soleil de juin. Ses yeux étaient d'un bleu tendre, grand et doux et exprimaient la candeur la plus innocente. Elle était de petite taille et tout ce qu'elle portait depuis la dentelle qui garnissait son fin chapeau de paille jusqu'aux fleurs semées sur sa transparente robe de mousseline flottait autour d'elle avec une grâce toute particulière. Si vous pouviez vous figurer une fille habillée par une couturière parisienne, peut-être auriez-vous une idée de la grâce exquise de cette charmante créature. Seriez-vous assez bon, dit-elle, pour m'indiquer le chemin d'Aulnay? J'ai voulu me promener seul aujourd'hui et je suis bien puni de mon entêtement, car je me suis égaré. Voilà 1 heure que je suis assise ici patiemment, espérant voir passer quelqu'un. Le son de sa voix était la musique même et son sourire lorsqu'elle parlait était aussi séduisant qu'elle était adorable. Dudley lui dit qu'il allait du côté d'Aulnay et demanda la permission de l'accompagner une partie du chemin. Sa demande étant celle d'un homme du monde, après un court instant d'hésitation, la jeune fille accepta son offre et ils marchèrent côte à côte, le chien courant tantôt devant eux, tantôt derrière, en aboyant joyeusement. Pendant leur promenade, elle lui raconta qu'elle était en visite chez le recteur, qu'elle s'appelait Jenny Trevor, qu'elle était orpheline, que M. Marlowe était son tuteur et Agnès Marlowe sa plus chère amie. Ils avaient à traverser un champ tout proche de la maison de Dudley et de là, le bord de l'eau jusqu'à Aulnay. Comme ils approchaient de la première barrière, sur la rive, un homme à cheval s'avança tranquillement vers eux. Cet homme, c'était Ralph. Il se laissa glisser le cheval en apercevant son maître et, conduisant l'animal par la bride, se dirigea vers la barrière, qu'il ouvrit pour livrer passage à Dudley et à Jenny. Vous êtes revenu de bonne heure, Purvis ? Dit Dudley. Oui, monsieur. Les affaires se sont terminées plus tôt que je ne l'avais cru, et je n'ai pas voulu m'amuser. J'ai pris les arrangements au sujet du foin pour la semaine prochaine, monsieur. C'est bien. Ralph continua à marcher, la bride à la main, auprès de la barrière ouverte, et sous ses cils noirs, ses yeux gris regardaient Jenny furtivement, mais d'un air scrutateur. Dudley paraissait horriblement embarrassé. Il jetait un coup d'œil de l'intendant à la jeune fille, comme s'il hésitait sur ce qu'il devait faire. Puis il dit d'une manière fort confuse « Je pense, mademoiselle Trevor, que je n'ai plus besoin de vous importuner plus longtemps de ma société. L'avant-dernière barrière s'ouvre sur la grande route, et alors vous serez en droite ligne à Aulnay. » Il ôta son chapeau, mais ne lui offrit point la main, et avec un léger mouvement de surprise, elle le salua, lui souhaita le bonjour et s'éloigna. « Eh bien, maintenant, » dit-il à Ralph, aussitôt que Jenny fut hors de portée d'entendre. « Eh bien maintenant, M. Carleon, » répéta Ralph, « quelle charmante jeune fille que celle-ci !» Son maître ne répondit pas à cette observation, mais s'appuya avec nonchalance sur le haut de la barrière, son menton dans les mains. « Vous paraissiez joliment camarade, » dit Ralph, un peu après, dans un sourire. « Qu'est-ce que cela peut vous faire ?»« Peut-être rien, peut-être quelque chose. »« C'est une jeune dame qui demeure chez le recteur, » dit Dudley, d'un ton bourru et comme si on lui arrachait chaque mot par force. « Et je ne l'ai jamais vue de ma vie avant cet après-midi. Elle m'a demandé de lui enseigner le chemin d'Aulnay, et je l'ai fait. Cela suffit-il ? Presque. Il faut que ce soit une jeune fille assez dégourdie pour être aussi familière. » 8 jours après cet événement, Ralph quitta la ferme grise et Carleon devint un visiteur assidu du presbytère d'Aulnay. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans ses visites chez le recteur, il rencontrait rarement Agnès. Si par hasard il arrivait qu'il la rencontrât à la maison, elle paraissait regarder vaguement par la fenêtre, ne lui parlant jamais et ne lui répondant que par monosyllabes lorsqu'il lui adressait la parole. Et elle profitait toujours du premier prétexte venu pour quitter la pièce. Jenny se plaignit d'abord de cela à son amie, mais Agnès était si silencieuse et si réservée sur ce sujet que Jenny, toujours un peu dominée par la fille du recteur, avec son œil noir, froid et sérieux, et son visage maigre et pâle, n'osa point insister davantage. « Nous ne pouvons répondre de nos préventions, Jenny, » disait-elle. « Je n'aime pas Carleon. » « Mais vous n'avez aucune raison pour le haïr, n'est-ce pas, Agnès ?»« Aucune que je ne puisse concilier avec mes devoirs de chrétienne. »« Jenny, je suis la fille d'un ministre de l'Évangile du Christ. Je vais à l'église 3 fois le dimanche, je rends visite aux malades, je donne mon argent aux pauvres. Malgré tout cela, je ne puis être une bonne chrétienne, et peut-être ne le suis-je point, quand il s'agit de Carleon. Ne me parlez point de lui, ne me questionnez point, je le déteste. » Ses yeux noirs brillaient d'un éclat fiévreux, et il joignit ses mains frêles et minces en répétant « Oh ciel, ayez pitié de moi et de son âme, je le déteste. »